franceinter.fr. Radio Scoopy. Radioscopie. Simone Veil. Jacques Chanfer. Simone Veil, vous occupez au gouvernement une place privilégiée. La première, si l'on entend bien le battement de cœur des Français. Vous avez la haute responsabilité de la santé, vous êtes accaparé, mais est-il plus difficile d'être femme lorsqu'on est ministre ? Ça n'est pas plus difficile d'être femme dans la vie courante. Je crois qu'une fois pour toutes, dans la vie, on a une personnalité qu'on ne perd pas parce qu'on change de fonction, parce qu'on change d'état. Alors je me suis toujours sentie très, très femme et je me sens de la même façon très féminine. Les responsabilités ne vous emprisonnent pas un peu ? Non, pas du tout. Sur ce plan-là, pas du tout. À ce niveau, surtout ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois qu'à ce niveau de responsabilité, tous les gens sont un peu emprisonnés par leur personnage, quel qu'il soit. D'abord parce qu'il y a un manque de liberté dont tout d'un coup je me rends compte, qui était une chose que je n'avais pas du tout imaginée et qui est très astreignante. Mais ça, c'est aussi bien si on est un homme qu'une femme. À partir du moment, sans doute à cause de la télévision, où on devient quelqu'un de connu, on n'a plus la même liberté. Certains, simplement pour aller prendre un café aux Zinc, pour entrer dans une boutique, acheter une paire de bas, très souvent les gens vous reconnaissent. Comme j'aimais particulièrement l'anonymat, ça m'est désagréable. Mais ce serait exactement la même chose si j'étais un homme, c'est pas le fait de la femme. Tout à l'heure, il y a un instant, en commençant ces entretiens, je disais que vous aviez une place privilégiée, celle que l'on accorde au battement de cœur des Français. Et c'est vrai que vous avez été reconnu sur le plan de la popularité. Je dois dire que l'accueil des gens qui me reconnaissent est très gentil, d'une façon générale. Une fois, j'étais au Galeries Lafayette avec mon fils qui partait faire du ski, j'allais lui acheter son équipement. Il y a une vendeuse d'un certain âge qui est venue vers moi, qui m'a dit « Est-ce que je peux vous embrasser ?» Et je trouve ça très, très... Enfin, des gestes de ce genre, il y en a eu souvent. Ou bien, j'étais au puce, on m'a dit « Oh, pour vous, on vous fait un prix particulier. » Enfin, donc les gens sont très gentils. Et c'est à cela que je me rends compte d'une certaine connaissance, d'une certaine popularité. Puis pour le reste, ce sont les sondages qui l'ont dit. Comme je crois aux sondages, je l'ai pris comme ça. Maintenant, sur les raisons, je crois qu'elles sont tellement diverses que ça n'est pas très... Beaucoup de raisons ne sont pas propres à ma personne, mais à des phénomènes extérieurs. Ça fait très chaud au cœur, ça récompense de beaucoup, je ne dirais pas de sacrifice, mais de beaucoup de travail. Je vais vous dire, pour moi, ce qui est important... C'est que je crois qu'en définitive, pour les gens, et d'une certaine façon, personnellement, je le regrette beaucoup parce que je ne voudrais pas être le ministre de la contraception et de l'avortement. Ça m'ennuierait. Je pense que la santé, c'est vraiment tout autre chose, que c'est peut-être un phénomène épisodique qu'il fallait régler. Je suis contente de la solution qui a été adoptée par le Parlement sur proposition du gouvernement. Mais je ne crois pas que ce soit le rôle de la ministre de la Santé, qu'il y a tellement d'autres choses enfin, c'est vraiment la responsabilité générale de la santé des Français, non seulement de la santé, mais de l'action sociale. Mais pour les gens, c'est tout de même, en définitive, un peu là-dessus qu'ils me jugent. Et le pourcentage de popularité, en définitive, est la preuve qu'il y avait une majorité de Français qui étaient pour la modification de la loi. À mon sens, c'est ça qui est important, parce qu'à un moment, j'ai eu peur. Enfin, on m'a dit, vous cassez la France en deux, vous ne vous rendez pas compte, vous allez à contre-courant, les traditions, les mœurs, c'est effrayant ce qu'on fait, vous apportez un bouleversement, cette loi. Et c'est un peu la preuve que ça n'est pas exact, et que... Tout au moins, en tout cas, les gens l'acceptent. Car je crois que si fondamentalement les gens étaient contre, ils me rejetteraient en même temps, puisque on m'assimile un peu. Mais d'après les sondages, vous êtes donc le ministre le plus aimé du gouvernement, mais ça n'est pas la femme qui est en cause cette fois, c'est Simone Veil, parce qu'il y a d'autres femmes, donc il doit y avoir une séduction personnelle que vous connaissez ou que vous connaissez mal chez vous. Oh, je crois que c'est tout de même en partie la femme. Regardez, Françoise Giroud a également une popularité importante au sein du gouvernement. Je crois que ce qui d'ailleurs, là aussi, c'est très intéressant. Ça démontre qu'on a dit longtemps, les Français ne veulent pas de femmes de la politique, ils se méfient, ils pensent que les femmes ne peuvent pas mener un ministère. Si les partis présentaient des femmes, prenaient des femmes dans leurs responsables, on disait, on est sûr qu'ils vont se couler, la femme ne sera pas élue. Je crois que c'est tout de même la popularité de Françoise Giroud, de la mienne, démontre qu'en définitive, il n'y a pas du tout une méfiance systématique. Avez-vous l'impression que les autres ministres étaient un peu jaloux après le débat sur l'avortement au Parlement ? Je crois que d'abord, ils n'étaient pas jaloux après le débat, dans la mesure où personne n'avait tellement eu envie de défendre ce texte. Et puis, Il fallait une femme pour le défendre ? Je crois que c'était mieux. Je crois que ça a été un avantage pour moi, parce que, au Parlement peut-être pas, mais en tout cas vis-à-vis de l'opinion publique et notamment vis-à-vis des femmes, je crois que c'est un problème que forcément les femmes ressentent de façon différente et qu'on ne peut pas vraiment se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre là, et que les femmes ont eu tout à fait le sentiment que c'était une femme qui défendait le texte. C'est d'ailleurs ce qui est ressorti très nettement du courrier important que j'ai reçu, même des femmes qui étaient pas tellement pour, qui faisaient des réserves. Certaines m'ont écrit en me disant, de toute façon, on a compris que c'était quelqu'un qui était proche de nous. Beaucoup de femmes ont eu, ça, c'était très très frappant, le courrier concernait le problème de fond, mais aussi l'aspect très très féminin de la question et l'approche de ces problèmes par une femme. Je parlais tout à l'heure d'ambition, Simone Veil, souhaitez-vous devenir Premier ministre ? Non, pas du tout. Pas du tout, pour si de nombreuses raisons. Si l'offre en était faite, pour de nombreuses raisons. Ah oui, sûrement, parce que je crois qu'il faut savoir quel est le seuil de sa compétence et que vraiment, je n'en suis pas du tout. Mais politiquement, ce serait maladroit de dire non. Non, pas du tout. Je crois qu'au contraire, la France a besoin de premiers ministres capables d'assumer des responsabilités pleines, complètes. Je ne crois pas que j'en sois capable. Vous ne vous faites pas confiance ? Non, pas tellement. Pour certaines choses, oui, mais pour d'autres, pas du tout. Je me fais confiance sur des problèmes très techniques, et ensuite qui englobent des problèmes, des questions limitées, précises. J'aime toujours, je prends un dossier, je l'absorbe, et j'essaye de trouver une solution, bonne ou mauvaise. Je suis assez sûre de moi, dans certains cas, sur les solutions adoptées, sur des questions précises. Mais c'est tout à fait autre chose d'englober la vie d'un pays et de pouvoir prendre vraiment l'ensemble des questions à la fois. Je n'en suis pas du tout capable. C'est la femme qui parle ou c'est le ministre ? C'est les deux. Je crois qu'il y a des formes d'esprit différentes. Il y a des gens qui savent avoir suffisamment de recul par rapport au problème pour savoir ce qui est important, ce qui l'est moins, ce qu'il faut traiter par priorité, ce qu'il faut savoir lâcher. Peut-être là aussi je suis trop entière et que je ne saurais pas lâcher ce qu'il faut, et je ne saurais pas aussi me dégager de questions dont un Premier ministre doit pouvoir ne pas se préoccuper. Je suis un peu maniaque, tatillonne ici. On trouve quelquefois que je regarde des questions qui, au fond, ne sont pas du niveau du ministre. Et puis, vous avez très envie de préserver le peu de liberté qui vous reste. Oui, ça, alors, au surplus, certainement. Les honneurs, les responsabilités, le poste que vous occupez, vous ont-ils transformé ? Enfin, disons, changé ? Je crois pas du tout. Vous êtes toujours vous-même ? Oui, ça, j'ai pas du tout l'impression d'avoir été changée au fond de moi-même. D'ailleurs, enfin, je sais pas, mais les enfants, mes amis, ils ne trouvent pas du tout qu'il y ait un changement dans mon attitude. Peut-être, c'est d'ailleurs pour ça qu'au fond, c'est ce qui m'ennuie le plus dans le métier de ministre, ce sont les aspects extérieurs qui vous obligent tout de même de jouer un rôle. Mais j'ai toujours l'impression un peu d'être au théâtre, dans certaines conditions. Et au fond de moi-même, j'ai souvent un peu envie de rire de certaines choses et d'avoir même un comportement incongru. Il faut que je me retienne pour me dire, mais non, tout de même, on représente, quand on est ministre, il y a des choses qu'il faut faire, même si on n'a pas envie, et qu'il faut se soumettre à un certain nombre de choses en raison de la fonction. Mais quelquefois, j'aurais envie de partir, de tout laisser. Enfin, vous dites, on a l'impression parfois d'être au théâtre. Le ministre peut-il être un comédien en certaines circonstances ? Doit-il se forcer et jouer un rôle ? Je crois qu'il ne doit pas être un comédien sur les questions de fond, enfin sur les vrais problèmes. Mais je crois qu'il faut, on attend de vous un certain style, un certain sérieux dans les situations. Et que, par exemple, si Si je suis dans un voyage officiel, si je vais inaugurer un hôpital, on attend de moi une certaine attitude, et ce serait trahir les gens, trahir ma fonction, que de ne pas l'observer, si même au fond de moi-même, j'ai un peu l'impression d'être en représentation. Je crois qu'il faut faire ce qu'il faut. C'est comme la tenue. Je crois que pour l'instant, par exemple, les femmes, on n'a pas l'habitude de voir les femmes en pantalon. Enfin, c'est pas encore une chose totalement dans certaines fonctions. Ben, je ne viendrai jamais au bureau en pantalon. C'est un peu la même chose. Je crois qu'il faut se plier à un certain extérieur qui fait partie de la fonction. Nous parlions tout à l'heure de M. Veil. Il occupe une haute position, mais il faut quand même avoir de l'humour pour être le mari d'un ministre. Oui. De temps en temps, ça lui pose des problèmes quand nous sommes en déplacement officiel. Parce que d'ailleurs, j'évite qu'il vienne. Je trouve que c'est pas grave pour lui, et il le ressent comme ça. Alors, quand ce sont des réceptions où il est invité parce qu'il est mon mari, je n'aime pas tellement qu'il vienne. Là, je vais aller en voyage officiel à Moscou. Il est invité, il ne vient pas. J'en suis d'ailleurs, il n'aurait pas le temps, mais j'en suis au fond assez contente. Il y a tout de même un risque. Votre mari, vos enfants pourraient vous prendre un peu trop au sérieux dès lors que vous rentrez chez vous. Non, je crois pas. Il n'y a pas de danger qu'ils me prenne au sérieux. Ils me mettent en boîte très volontiers, au contraire. Et ils apprennent déjà, ma petite fille, à me mettre en boîte. Hier, je l'avais à la maison et on lui apprenait tout ce qu'il fallait me dire pour que je ne risque pas de me prendre au sérieux. Alors non, il n'y a pas de danger, je crois que d'ailleurs pour eux. Je suis mariée depuis près de 30 ans, donc c'est pas après 30 années de mariage que les relations d'un couple changent, quelles que soient les fonctions que l'un ou l'autre occupe. Mes enfants, pour eux, je serai toujours leur mère, et c'est tout, rien d'autre. Vous avez trois enfants? J'ai trois garçons, oui. Trois garçons, une petite fille, il doit sûrement y avoir un art d'être grand-mère. Malheureusement, oui, mais l'art d'être grand-mère, il demande d'avoir tout de même pas mal de temps, et je n'en ai pas assez. Mais j'ai, pour l'instant, elle est toute petite, mais j'ai de très bonnes relations avec elle. Et elle est très, très tendre et gentille avec moi. Hier, elle m'a dit « Oh, grand-mère, je t'aime ». Et j'étais bouleversée de cette gentillesse. Elle me disait « Au fond, ça compense un peu le fait de ne pas l'avoir beaucoup. » Elle est tout de même, je crois, très, très attachée déjà à moi. Et mes fils, il y en a deux qui ne sont pratiquement plus à la maison. Mais nous restons très, très proches. Peut-être un peu trop. Oui, peut-être un peu trop. Je crois que là, c'est plutôt un peu de ce côté qu'il y a un petit problème. C'est difficile pour des grands-fils d'être très liés avec leur mère et en même temps de ne pas l'être trop. Vous êtes une femme qui se bat, et qui se bat toute la journée. Et lorsqu'on vous écoute, on s'aperçoit que le temps a une importance considérable. Alors à force de gagner du temps, peut-être en perd-on un peu. Perdez-vous votre temps étant ministre, votre temps de femme? Quelquefois, j'ai un peu ce sentiment, oui. Sur le plan alors de tant de femmes, j'ai un peu l'impression que c'est un peu une vie entre parenthèses sur ce plan-là. C'est intéressant, mais je ne le regrette pas du tout. J'ai l'impression tout de même d'avoir fait un certain nombre de choses ici et moi-même de m'être enrichie avec les contacts que j'ai eus, avec une équipe de travail très, très sympathique. Et je crois qu'il y a ici, à mon cabinet, un sentiment de collaboration des uns et des autres qui est très, très agréable. Mais pour d'autres choses, j'ai un peu l'impression effectivement que ma vie de femme est un peu interrompue. Quand on entend vie de femme aller voir une exposition, pouvoir consacrer une heure à une amie, bavarder avec ses fils et ne rien faire. Car c'est bon de ne rien faire. Oui, c'est bon et vous voudriez en profiter en plus. Oui. Dans ce ministère de l'avenue de Ségur, vos collaborateurs seraient-ils différents si leur ministre était un homme? Je crois pas. Pouvez-vous juger? D'abord, je crois qu'on ne peut jamais juger soi-même. Il y a des attentions très particulières. Oui, ils sont très, très courtois, très galants. Je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment des relations qui seraient très différentes si j'étais un homme. Je crois que ce qui est différent, c'est d'avoir, pour un certain nombre, travailler avec eux autrefois sur un pied total d'égalité, puisque nous faisions, un de mes collaborateurs était avec moi au cabinet de Monsieur Pleven, une de mes collaboratrices était magistrat avec moi au ministère, et nous étions amis et travaillons sur un pied d'égalité. Alors, peut-être ça, c'est un peu, ça donne à notre équipe peut-être un ton plus libre que pour un ministre qui a depuis longtemps une vie politique et une certaine distance avec les gens qu'il choisit pour travailler avec lui. Mais le fait d'être une femme, je ne crois pas du tout. Il faut dire qu'au fond, ça fait même 20 ans que je travaille beaucoup avec des hommes. Et je crois avoir une attitude qui, en soi, ne pose pas un problème particulier femme-homme. Bien sûr, les relations ne sont jamais tout à fait les mêmes. Les hommes restent toujours sur un pied de plus grande courtoisie, de moins grande camaraderie. J'ai jamais été très, très familière avec les gens avec lesquels je travaille. Mais pas plus, c'est un ton personnel. Il y a des femmes qui sont très familières avec les hommes avec lesquels ils travaillent. C'est pas mon style. Mais ça, c'était déjà aussi bien avant. Je suis toujours frappée de ce que, en définitive, des collègues avec lesquels je travaillais depuis des années, je n'arrivais pas à les appeler par leur prénom. Je ne sais pas pourquoi, c'est idiot. Alors, je finissais par ne pas les appeler, parce que quand on travaille plusieurs années de suite avec quelqu'un, on ne l'appelle pas monsieur. Mais c'est comme ça, c'est un trait de caractère. Il y a une certaine familiarité dans le travail que j'ai du mal à avoir. Simone Veil, lorsqu'on est à un poste comme le vôtre, on n'est pas toujours regardé comme on le voudrait. C'est-à-dire que vous avez, vous, une chance de popularité tout à fait exceptionnelle, mais vous dites, j'aurais envie de leur expliquer ce que je suis, parce que les journalistes n'écrivent pas exactement ce qui est. Alors, quelle est la chose que vous voudriez prouver vous concernant ? Peut-être ce que je voudrais le plus prouver, c'est que j'exerce ces fonctions, je les assume, exactement dans le même esprit que j'ai toujours depuis 20 ans servi l'État. Et je me sens pas, c'est là où je me sens pas du tout changée, c'est que pour moi, j'exerce ces fonctions exactement comme je le faisais avant. Alors je viens au bureau, je prends mes petits papiers, il y a plein de papiers sur mon bureau, ce qui n'est pas le cas en général, chez les ministres. C'est affolant d'ailleurs, vraiment, toutes ces lettres qu'il faut signer, qui engagent la France. Je crois que toutes les fonctions qu'on assume entraînent des responsabilités très importantes. Et vous n'avez pas peur ? Dans certains cas, oui, parce que sur certains dossiers, j'ai vraiment une hésitation. Dans certains cas, vraiment, je ne sais pas. Alors, j'ai peur. Sans ça, très souvent, et c'est un défaut, une qualité, sur ce plan-là, je suis assez sûre de moi. Sur le plan du fond, beaucoup plus pas sur le plan de ma personnalité, de mon comportement. Quand je vois faire un discours, ça, j'ai toujours une angoisse. Surtout sur mon comportement extérieur, j'ai toujours un peu de me dire, j'ai l'air d'une gourde. Mais sur le fond, je crois souvent que j'ai raison. C'est ce que me reprochent mes enfants et mon mari qui me disent « Tu crois toujours que tu as raison ?» C'est peut-être c'est une certaine force dans les fonctions que j'exerce. Quelqu'un peut dire une fois dans sa vie « J'ai raison ». Ah, dans certains cas, oui, je pense profondément. Donc vous êtes sûr de vous ? Ah, il y a des dossiers sur lesquels je suis tout à fait capable de m'engager ou sur des solutions individuelles. Parce que vous savez, bien sûr, on traite des dossiers qui englobent un ensemble de choses, qui brassent des idées et qui aboutissent à des réformes d'ensemble. Mais on a aussi beaucoup de décisions qui sont des décisions individuelles. Et je n'arrive pas à m'en désintéresser. Je crois qu'au niveau du ministre, pour certaines choses, il faudrait. Par exemple, en ce moment, quand je vois passer, destiné au courrier des fonctionnaires ici, des dossiers concernent des cas d'enfants qu'on appelle faussement des cas d'adoption, mais qui sont en fait des enfants qui ont été mis en placement nourricier, qui sont réclamés par les parents par le sang. Ce sont des dossiers que je regarde. Ça fait très longtemps que je m'intéresse à cette question, quand j'étais déjà au ministère de la Justice. Je n'arrive pas à les feuilleter simplement comme ça. Je les prends, j'essaye qu'on suive l'affaire. Et dans certains cas, j'ai vraiment le sentiment d'avoir raison, de savoir quelle serait la moins mauvaise des solutions, parce que ce sont souvent les moins mauvaises dans ces cas-là. Enfin, votre peur, c'est de passer à côté d'une injustice. Oui, ça, je supporte très mal l'injustice au niveau individuel. C'est peut-être pour ça que j'ai eu le métier de magistrat, d'une certaine façon, me satisfaisait, parce qu'on essaye de réparer des injustices, mais pas toujours. On est pris, malheureusement, trop souvent dans des textes qui vous empêche de faire absolument ce qu'on voudrait, mais je supporte très mal l'injustice. Enfin, lorsqu'on vous écoute, on s'aperçoit que vous voulez surtout prouver une chose. D'abord, vous n'avez pas changé. Et ça, c'est important. Le poste ne vous a pas transformé. Et deuxièmement, vous auriez peur de ne pas être vous-même. Alors, il y a cette phrase de Goethe, « Deviens qui tu es ». Êtes-vous devenu ce que vous êtes ? C'est pourquoi vous avez été inventé. Oh. Je ne sais pas si en définitive on change tellement. Je crois que je suis sérieuse, avec le manque d'humour que ça comporte, qui est une chose qu'on me reproche dans ma famille. Je crois que je ne peux pas prendre les choses à moitié. Les petites choses même, j'ai envie qu'elles soient bien faites et qu'elles soient vues au fond. Au fond, j'aurais aimé être une femme superficielle, j'aurais aimé être frivole, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas et j'arrive pas à me désintéresser et je n'arrive pas surtout à ne pas me passionner. Avez-vous l'impression d'avoir eu de la chance ? Tout cela a été écrit ? Je trouve que j'ai eu une vie très curieuse. De la chance sûrement d'avoir eu l'enfance que j'avais eue au départ, enfin les premières années, parce que j'avais une mère extraordinaire. Enfin, tous les gens disent ça, mais moi je pense que c'était pas une mère comme les autres, qui surtout nous a donné tellement d'amour que c'est une force dans la vie. Et puis ensuite, j'ai eu une période épouvantable. En dehors même de la déportation. J'ai eu plusieurs années. La déportation, quand même, très jeune. Vous aviez quel âge lorsque vous êtes parti pour Auschwitz ? 16 ans et demi. 16 ans et demi. Alors, comment ressent-on une injustice comme celle-là, un drame comme celui-là ? Il porte sur toute une vie après. Oui, sûrement. Sûrement. Mais justement, ça vous donne. Une force. Très tardivement, une force. Oui. Vous savez, on le dit maintenant parce qu'il y a 30 ans de recul. Mais ça a tout de même pesé lourdement et en déficit, je dirais, pendant au moins 10 années de ma vie. Il a fallu ensuite, avec recul, on se dit, bon, maintenant on l'a assumé, et puis on a accepté un certain nombre de choses, et peut-être aussi on a un peu trop oublié. Il faut faire attention, parce que de ne pas se dire, ça a été une acquisition, une maturité, il y a tout de même trop de gens qui ont laissé leur vie, leur santé, pour qu'on puisse dire que ça a été bénéfique. Mais, et puis ça assombrit. Ça a sombré tout de même au moins 10 années de ma vie. Vous avez de la haine aujourd'hui pour les Allemands ? Non, pas du tout. Mais je crois que de la haine pour les Allemands, je n'en avais pas, même sur le moment. D'ailleurs, je me souviens très bien d'une discussion tout de suite en rentrant de déportation avec des camarades à laquelle je disais ça qu'ils ne comprenaient pas. D'abord, c'est pour un système. Alors peut-être que... c'est un système qui s'est implanté plus facilement dans un pays compte tenu du comportement. Je crois que les peuples sont tous, les gens sont tous les mêmes dans les différents pays, les êtres humains, mais qui en même temps des particularités de peuples. Les Français sont très individualistes, très anarchisants, ils sont jamais contents, ils rouspètent. C'est une force parce que, à l'égard de certains régimes, je crois qu'on aurait beaucoup de mal à maintenir en France un régime aussi de discipline, aussi strict que l'a été, non seulement de discipline, mais de police et de tout ce que ça a comporté de conditionnement des gens. Je n'imagine pas les Français acceptant un tel conditionnement. Mais ça n'est tout de même pas, les Allemands bloc, quoi. Quand on a dit que les Allemands ne le savaient pas, j'ai beaucoup de mal à le croire, parce que comme j'ai vraiment traversé en janvier 45 l'Allemagne dans des conditions, enfin, et nombre de déportés l'ont fait, nous étions dans des petits plateaux à bois complètement découverts, c'est difficile de penser que les gens et qu'on sortait des cadavres dans toutes les gares, ou bien il faut vraiment que les gens aient très peur pour ne pas en parler. Je ne le crois pas. Simone Veil, êtes-vous coléreuse ? Vous avez le sourire déjà avant de répondre. Oui, je suis ce qu'on dirait soupe au lait. Et alors on peut me faire monter comme ça. Chez moi, on le sait. Alors il y a un certain nombre de bateaux qu'on enfourche et j'ai beau le savoir, je ne peux pas m'en empêcher. Ça y est, je fonce. Je fonce et ça marche à tous les coups. Il y a tout de même maintenant un enchaînement politique. Aux prochaines législatives, on va vous demander de partir pour le combat. Il y a deux façons de partir pour le combat. Il y a une façon personnelle qui consiste à se présenter aux élections. Et autant qu'on puisse dire les choses à l'avance, vraiment je ne le souhaite pas du tout. Je n'ai aucune circonscription en vue. Je n'ai pas d'attache provinciale qui me permette d'en trouver une. Nice, tout de même, c'est quand même le pays de la naissance, non ? Non, je n'ai plus du tout de famille à Nice et ça me serait même pas très agréable. Et puis il n'y a pas de circonscription à prendre. Mais il y a aussi la façon qui consiste à participer à des campagnes électorales pour d'autres. Et dans la mesure où on est solidaire, on a travaillé dans une équipe, il est normal de souhaiter soutenir éventuellement l'un ou l'autre. Je crois que c'est la façon dont sans doute je m'engagerai dans la bataille législative. Vous êtes à la santé, est-ce le ministère que vous souhaitiez ? Je n'en souhaitais pas, parce que vraiment la question ne me serait jamais venue à l'idée. Jamais. Et vous savez, vraiment, imaginez la vie de quelqu'un, disons même la carrière, qui est magistrat, qui peut penser, qui vous dit, se demande s'il ira comme vice-président au tribunal ou conseiller à la cour d'appel, qui n'a jamais fait de politique, j'avais même tout à fait refusé de participer à la vie politique alors que mon mari le faisait avec une certaine, pas passion, mais avec beaucoup d'intérêt, et aurait voulu que je l'accompagne, et que, en tout cas, je suive certains des travaux du CDP. Et vraiment, je crois que je n'avais été de ma vie dans une réunion politique, je suis même sûre. Vous n'appartenez à aucun parti ? À aucun parti, je dis, je n'avais même pas été dans aucun meeting politique, et un peu comme alibi, un peu parce que vraiment j'en avais pas envie, je disais toujours que, étant magistrat, le devoir de réserve m'imposait de ne pas aller dans des réunions politiques. Et puis tout d'un coup, on me propose de devenir ministre. Je ne m'étais pas du tout posé la question de savoir où j'aurais envie d'être ministre. Enfin, à ce poste, ne pas appartenir à un parti, c'est tout de même un luxe. C'est une chance et c'est une grande liberté. Et vous en jouez. C'est une grande liberté, c'est une grande chance, c'est quelquefois une difficulté. Vous avez toujours été ce que vous êtes, en fait. Vous êtes une juriste, c'est-à-dire une rigoureuse. Oui, j'ai toujours beaucoup aimé le droit. Effectivement, je trouve que c'est un cadre qui constitue une aide. En fait, c'est la loi qui protège et c'est la procédure qui permet aux faibles de se défendre et d'avoir des moyens des moyens par rapport au droit. La loi de la jungle, c'est la loi des plus forts. Alors c'est ce qui serait s'il n'y avait pas la loi. Et quand j'ai travaillé pendant des années à la direction civile, j'ai vraiment toujours eu le sentiment que la rédaction des projets de loi était quelque chose, au contraire, d'extraordinairement concret. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur le projet de loi sur l'adoption, par exemple. Enfin, j'ai pas pris un bout de papier, ma plume, et puis écrit des mots les uns derrière les autres. J'ai commencé par rencontrer beaucoup de gens qui connaissaient très bien ces problèmes de l'adoption, naturellement des parents adoptifs, des médecins, psychiatres ou autres qui avaient l'occasion de voir fiction, les administrations qui mettaient en œuvre l'adoption, les juges qui avaient à se prononcer. Et puis je me suis demandé à quoi on voulait aboutir. Je crois que les gens ne voient pas quel est le travail législatif et ce que représente la loi. En premier, on doit se demander ce qu'on veut faire. Et c'est une fois qu'on a tracé ce modèle sociologique, ce modèle social, qu'on fait entrer des mots, qu'on fait entrer des articles, mais qui au fond recouvrent une réalité sociologique. Et ce qui est passionnant dans ce travail de législation, c'est que on modèlera en définitive un peu les mœurs, on modèlera la réalité sur ce qu'on aura fait, mais il faut bien sûr, pour que la loi soit bonne, que le modèle qu'on recherche soit le bon modèle, et donc qu'on résolve le maximum de situations. La loi sur la filiation, elle n'a pas non plus, elle n'est pas née comme ça de texte et d'un esprit de juriste comme ça, purement abstrait. C'est en prenant conscience de ce à quoi on voulait aboutir et les modifications qu'on voulait faire aboutir dans la réalité correspondante à des mœurs qui avaient évolué, que les lois sont rédigées. Mais vous, Simone Veil, vous auriez pu adopter un enfant ? Oh, sûrement, sûrement. Pour moi, j'ai trois enfants et quelquefois, je trouve que je ne m'en suis pas suffisamment occupée et j'ai un peu des remords vis-à-vis d'eux. Mais si je n'avais pas eu, je n'aurais pas hésité à avoir envie d'en adopter. Et à un moment, d'ailleurs, une œuvre d'adoption m'avait parlé d'une petite fille qui avait 10-12 ans, dont on ne savait que faire, et m'avait demandé si je ne pouvais pas la prendre. Puis on a trouvé une autre solution pour elle, et je ne me sentais pas capable de le faire parce qu'elle avait besoin qu'on lui donne beaucoup de temps, et je n'avais pas la possibilité de le faire. Mais je n'aurais sûrement pas hésité. Pour moi, les enfants, ce sont ceux auxquels on a donné son amour, ceux qu'on a élevés, mais pas du tout ceux qu'on a mis au monde. Enfin, j'ai pas du tout le sentiment du sentiment de l'appartenance par le sang, mais pas du tout. Et certaines adoptions généralisées peuvent être un mal. Regardez ce qui se passe au Vietnam, par exemple. Tous ces enfants qui sont partis pour les États-Unis, qui sont déracinés. Est-ce bien d'avoir fait cette... On ne pouvait pas faire autrement, il fallait les aider, d'accord. Et il faut encore les aider, mais... C'est-à-dire que je crois que vraiment l'adoption, il faut arriver totalement, c'est pas toujours facile, à le penser comme un problème qui concerne avant tout l'enfant. Et il faut vraiment rechercher, c'est pour ça que je vous parlais de cette petite fille dont on m'avait une fois parlé. Si je ne l'ai pas accueillie, c'est parce que je pensais que je n'étais pas capable, dans l'organisation de vie que j'avais, de lui donner tout ce dont elle avait besoin. Mais je crois que c'est ça qui est fondamental. Il ne faut pas penser au plaisir qu'on se fait à soi-même, au fait qu'on aura la joie d'élever un enfant, d'être aimé, de l'aimer. Mais il faut penser à savoir quelle est sa situation. Pour le Vietnam, pour ces enfants du Vietnam, je crois qu'il faut être très très prudent. Et quelquefois, je suis un peu inquiète quand je vois des enfants transférés comme ça d'une civilisation à l'autre. Mais l'amour, là... peut faire beaucoup de choses. Je connais par exemple des gens qui ont recueilli un petit enfant, qui ont pris un petit enfant indien, mais qui ne l'ont même pas adopté parce que je crois qu'en Inde, l'adoption n'est pas autorisée. Et qui apprennent sa langue pour pouvoir lui parler, qui l'emmènent tous les étés dans son pays. Alors je crois qu'à ce moment-là, l'adoption, c'est l'amour, c'est sa vie à soi qu'on reconvertit pour l'enfant, et alors ça a un sens. Et si un jour cet enfant, qu'il soit en France, qu'il soit aux États-Unis, demande à repartir pour le Vietnam, les parents le laisseront-ils repartir ? Ceux auxquels je pense le feront, mais c'est difficile. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faudrait faire, mais c'est vraiment difficile, parce que alors, c'est un amour qui est vraiment très grand et très difficile à assumer, mais on en voit. Vous savez, quand je me suis occupée du problème d'adoption, j'ai été étonnée j'ai trouvé merveilleux certains cas dont on ne parle jamais, dont on restait même inconnu de l'entourage le plus proche, d'un désintéressement, d'un amour extraordinaire. Une femme qui avait pris à la naissance son propre enfant était mort et sur le lit voisin était né un enfant très défiguré, en très mauvais état, et la mère l'avait rejeté au moment de la naissance. Et la jeune femme dont l'enfant était mort a pris cet enfant, et tout le monde croit que c'est son propre enfant. Et elle a cherché à régulariser ensuite par une adoption. Je trouve que ça, c'est vraiment une preuve d'amour extraordinaire. Vous croyez à l'égalité ? Non. Non, parce que je crois que au départ, vraiment les êtres, il y en a qui naissent avec... d'abord en eux-mêmes, beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de chances. Et puis je crois alors que le milieu, le monde tel qu'il est, la société, et ça n'est pas lié à un type de société capitaliste ou autre, l'environnement dont on bénéficie en plus fait que les chances sont très différentes, mais qu'un des rôles des pouvoirs publics, c'est justement d'essayer de donner, non pas de limiter les chances des uns, mais d'essayer de donner à tous le maximum de chance. Donc lorsqu'on parle d'égalité, il y a supercherie, il y a parfois démagogie du mot. C'est un acte politique. On ne dit pas que tous les gens sont... On dit rarement, enfin si, je sais bien que la déclaration de 1789 oui. Parle d'égalité, mais est-ce qu'ils ne parlaient pas... Les gens de 1789 étaient des juristes, beaucoup, et est-ce qu'ils ne parlaient pas d'égalité de droit, avant tout ? Alors l'égalité de droit, bien sûr, elle existe, elle est possible. Il y a aussi une égalité de chance à laquelle on peut seulement essayer de remédier et pour laquelle je crois que c'est vraiment une des responsabilités de l'État. Simone Veil, nous sommes en 75, 1975 est l'année de la femme. Cette année de la femme était-elle vraiment nécessaire ? N'est-ce pas une nouvelle barrière ? Je ne sais jamais très agréable d'avoir l'air de faire une ségrégation pour les femmes et de dire une année de la femme comme on a une année de la faim. Une année... Mais elle existe, cette différence, et je dirais même que cette ségrégation existe. Alors, je crois qu'en définitive, il ne faut pas avoir peur des mots et que le fait d'en parler, le fait d'appeler l'attention des gens sur cette ségrégation, cette différence, cette discrimination, dont en définitive, ils finissent par l'oublier, par ne pas la voir. Il y a des évidences qui n'apparaissent pas. Et le fait de les mettre en valeur contribue tout de même à ce qu'on aille vers une suppression et vers une amélioration. Vous ne souhaitez pas parfois redevenir une femme comme toutes les autres ? Je me sens une femme comme toutes les autres. Je me sens vraiment une femme. Vous êtes quand même chargée de responsabilité. Oui, j'aurais envie, certains jours, de ne pas venir au bureau, de ne pas... Vous auriez envie de démissionner un jour? On est pris un peu au piège. Au début, vraiment, je trouvais ça très lourd. Et plusieurs fois, le Premier ministre m'a dit, mais vous verrez, on s'y attache. Et c'est vrai qu'on est un peu pris au piège. Non, pas du tout. Je ne crois pas du tout être pris au piège de la fonction, des honneurs. C'est ça que je trouve réellement, ça a l'air un peu peut-être ridicule. C'est ça, mais vraiment, fondamentalement, la chose pesante. Mais on est pris au piège des choses qu'on a commencées. Hier, vous avez installé, je crois, le Conseil supérieur de l'éducation sexuelle. Il a été installé l'année dernière. Ça me paraît très nécessaire maintenant. Parce que malheureusement, avec le vote de la loi sur l'avortement, on a bien sûr beaucoup parlé de l'avortement. Et certaines femmes pourraient penser que c'est la solution lorsqu'on cherche à planifier les naissances. C'est pour ça qu'il est très très important maintenant de reprendre tout le dossier contraception pour vraiment arriver à compenser cette idée qui s'est un peu trop répandue. Et notamment chez les jeunes, que l'avortement peut tout résoudre. Quand on m'a demandé il y a quelque temps, est-ce que vous croyez que dans 6 mois, l'avortement sera partout mis en place et que dans tous les hôpitaux on pourra le faire? Je dis, mais ce que je souhaiterais, c'est que dans 6 mois, puisqu'au fond, ça serait au niveau préventif, il y ait très peu d'avortements à faire et que les femmes qui sont concernées aient entre-temps appris à utiliser la contraception. Alors il est vraiment temps de reprendre ce dossier, d'en parler beaucoup, pour qu'on parle le moins possible de l'avortement. Lorsque vous étiez très jeune, vous avez pris le temps de souffrir, on vous a donné le temps de souffrir. Peut-être qu'un peu plus tard, vous ne vous pardonnerez pas de ne pas avoir eu le temps de vivre. Oui, c'est effectivement. C'est un problème que je me pose même en ce moment souvent. Être heureux ou se sacrifier? Oui, oh, se sacrifier, c'est un grand mot, mais c'est une certaine forme de temps de vivre. Parce que de toute façon, je ne suis pas sûre que, avant d'être ministre, au sens où vous l'entendez, je vivais davantage. Temps de vivre, je ne l'ai pas beaucoup pris, parce que j'ai été déportée en plein moment. D'abord, il y avait la guerre, puis il y a eu la déportation, l'adolescent. Enfin, j'ai eu aucune vie de jeune fille. J'étais déportée à 16 ans et demi, et puis je me suis mariée. Enfin, j'ai eu une année très difficile en rentrant. Et je me suis mariée tout de suite, avec des enfants tout de suite, et une vie matérielle et difficile. Nous étions étudiants, mon mari et moi, on a énormément travaillé. Il y avait les enfants, on n'a même peut-être pas suffisamment profité de nos... Ça aussi, c'est le temps de vivre, et quelquefois, c'est une des choses que je regrette peut-être le plus, c'est quand les deux aînés étaient tout petits, de ne pas en avoir suffisamment profité. Je me dis que si j'avais eu un bébé plus tard, j'en aurais beaucoup plus profité. D'ailleurs, nous avons déjà... Le troisième a été, nous avions moins de soucis, nous travaillions moins, et déjà on a plus vécu notre vie avec lui. Mais le temps de vivre, je ne le prenais pas plus quand j'étais magistrat. Et souvent d'ailleurs, je me posais, est-ce que c'est pas de travailler moins, quel que soit le travail, ministériel ou autre, de savoir prendre un week-end et de simplement de se replonger dans la nature, de pas sortir beaucoup le soir. Vous auriez envie de sortir le soir? Je sors trop. Je sors beaucoup. Vous sortez comme ministre? Comme ministre, et puis de temps en temps, parce qu'on a beaucoup d'amis, des amis qu'on aime bien, alors on a envie de les voir. Mais quelquefois, on se dit qu'on court après sa propre existence et que d'un coup, effectivement, on se dira j'ai pas suffisamment profité des enfants, j'ai pas suffisamment profité de la petite fille, j'espère qu'il y aura d'autres petits-enfants, et puis d'un soleil couchant, de la lecture. C'est ça le temps de vivre. Mais c'est aussi bien par rapport à un autre travail. Et il y a une réalité des choses, on ne peut jamais être tout à fait heureux. On peut être heureux quand même. On regrette toujours quelque chose. On regrette toujours quelque chose. On a quelquefois envie de se dire qu'on aurait envie d'avoir une vie totalement différente. Oui. On pourrait penser qu'une vie où la réflexion, la lecture aient beaucoup plus de place. Oui. Et la médecine dans tout cela, ça vous occupe? Alors quel est l'avenir de la médecine? Je crois que la médecine en France a une chance particulière. C'est que pour l'instant, elle a su rester extrêmement équilibrée. Je suis frappée par rapport au système de médecine à l'étranger, à quel point la médecine française a su se répartir entre une médecine de pointe d'abord à l'hôpital et une médecine de famille, quoique celle-là, il faut faire un petit effort. En ce moment, elle risque de disparaître si on ne la soutient pas un peu. Et il est certainement, justement, dans le souci de maintenir cet équilibre, il est tout à fait souhaitable de lui apporter ce soutien. Une médecine salariée, d'une part, qui est, et puis une médecine libérale. Je crois que tout ça représente un équilibre très satisfaisant qu'on le voit en définitive pas beaucoup dans les pays voisins. Et il serait dommage que nous ne restions pas dans cette situation, tout en étant une médecine de très grande qualité, ce qui m'apparaît d'après tous les entretiens que je peux avoir avec des gens de l'étranger, ce qu'ils pensent de la médecine en France. Mais les médecins, toutefois, sont inquiets. C'est vrai, les médecins ils sont inquiets. Je pense qu'on va les priver de l'amour de l'humanité, de l'amour de leurs clients. On va en faire des fonctionnaires. Je ne comprends pas très bien pourquoi ils sont si inquiets en ce moment. À dire vrai, c'est un peu pour moi... c'est un peu un mystère. Je crois qu'il y a une part de leur inquiétude qui vient du nombre de médecins très importants qui va se trouver en France dans quelques années, puisque en 1980, il y aura presque le double de médecins. 120 000, paraît-il. Oui, c'est ça, à peu près. Alors, 120 000 médecins oui. En 1980. Oui, c'est ça. Alors, trop ça fait... Trop, je ne sais pas, mais beaucoup. Vous soulignez qu'en ce moment, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Certains eux-mêmes reconnaissent qu'ils travaillent trop pour pouvoir vraiment travailler dans de bonnes conditions. Certaines régions sont sous-médicalisées, certaines régions de France. Et si, dans les, nous avons, en ce qui concerne alors, la santé publique, beaucoup de postes vacants que nous ne pouvons pas pourvoir, et de même un certain nombre de postes hospitaliers. Dans les hôpitaux généraux, il y a actuellement 500 postes de médecins vacants. Un certain nombre de ces 120, de ces nouveaux médecins seront utilisés en psychiatrie. On manque beaucoup de médecins en anesthésie. Je ne suis pas sûre qu'il y en aura trop avec 120 000. Mais ça va changer la vie des médecins. Il faut qu'un certain nombre acceptent de moins travailler, de faire place aux jeunes qui viendront. Et puis, je crois que les médecins sont inquiets et ont peur que cet afflux, sans doute, de médecins conduise à une certaine fonctionnarisation. Et ça, je ne vois, je pense pas du tout. Au contraire, je pense simplement que ça doit amener à une réflexion sur le rôle des uns et des autres, la coordination à assurer, leur méthode de travail, mais pas du tout sur une fonctionnalisation automatique. Je vous ai entraîné un peu sur les chemins de la médecine et vous redevenez le ministre. Et moi, je suis venu rencontrer la femme. Êtes-vous tolérante et que pensez-vous de l'intolérance? Je trouve que la tolérance est une chose fondamentale, mais en définitive, dans la mesure où je vous disais tout à l'heure que quelquefois je suis sûre d'avoir raison, peut-être je pourrais être intolérante. Je crois que sur le plan politique, je suis tolérante. Sur le plan des idées aussi, sur le plan par exemple religieux, sur le plan des grandes options, je crois vraiment faire preuve de tolérance. Ce qui fait d'ailleurs qu'on croit toujours que j'ai l'esprit de contradiction, parce que quand je suis dans un certain milieu, je défends un peu toujours le point de vue adverse. Alors, parce que j'ai toujours un peu tendance à voir l'autre aspect de la question. Mais peut-être sur certains points précis, quand je suis sur certaines questions... Je pense que je dois faire preuve d'intolérance. Vous croyez aux vertus de la morale? Assez, oui. Vous arrive-t-il de réfléchir sur cette marche qui est pourvu une ascension? Non, pas beaucoup. Non, non, c'est... Je vis un peu chaque jour, au jour le jour, en ce qui me concerne. Mais j'essaye de ne pas vivre au jour le jour, ce sont les problèmes de ce ministère. Parce que j'essaye de projeter, c'est d'ailleurs pas très facile de trouver le recul dans des problèmes dans lesquels on est plongé toute la journée. Parce que quand même, cette montée, elle est périlleuse. Non. Non ? Je crois pas. Je crois pas qu'elle soit... La seule chose qui m'ennuierait, c'est de faire une énorme bêtise au sens, enfin quelque chose qui soit une erreur importante dans le, je ne dis pas dans mon comportement personnel, mais dans les options qui sont faites. Ça c'est vraiment très... Mais sinon je pense que je n'ai pas grand chose à perdre puisque je crois que je suis tout à fait prête, si demain je ne suis plus ministre, à redevenir magistrat et reprendre des fonctions qui étaient celles que j'exerçais et que j'aimais. Mais s'il y avait chute, seriez-vous blessé? Oh, je crois que c'est... Tout dépend comment. Si c'est une chute parce que vraiment... parce que j'ai fait une erreur, je crois que personne n'est à l'abri d'une erreur, d'un mot qui tombe à côté, d'une déclaration. Il faut faire attention à tout. Ça, je pense que c'est... je parlais tout à l'heure de l'absence de liberté. Avec... ce sont les deux choses qui me pèsent. C'est vraiment d'être obligé de faire attention. Et ça, je crois que personne n'est à l'abri d'un lapsus, d'une erreur de langage. Alors, évidemment, si je tombais là-dessus, ça me... Bon, je suis orgueilleuse, tout autant qu'une autre, peut-être plus que beaucoup. Alors ça me serait désagréable. Mais sinon, simplement, si on me disait, bon, ben maintenant, c'est fini, on veut des gens qui soient politiquement plus engagés, vous avez fait votre temps, ça me serait tout à fait égal. Dans cette expérience, dans cette aventure, qu'avez-vous déjà appris sur vous-même ? Je crois que ce que j'ai appris le plus, c'est que j'avais plus que quand c'était indispensable, j'avais plus de sang-froid que je ne le croyais. Vous vous êtes regardée parlant à la chambre ? Non, pas du tout. Vous auriez pu le demander, car le magnétoscope existe. Je n'aime pas du tout me revoir. Pour regarder votre attitude ? Non, pas du tout. Je n'aime pas me relire et je n'aime pas me revoir, du tout. Mais vous pouvez encore être émerveillé. Ah oui, beaucoup. S'il ne fallait dire qu'un seul mot dans une vie, Simone Veil, ce serait lequel ? S'intéresser aux gens, à tous. Mais oui, j'ai une grande disponibilité, je crois, pour les gens. Et pas seulement pour les gens, mais pour les choses. Mais j'aime probablement parce que j'aime la vie. L'important, ce sont les autres. Oh ! Non, c'est plus égoïste que ça. C'est ce que les autres m'apportent. Les gens m'intéressent, tout m'intéresse. En définitive, je crois que... Alors, quand ils vous intéressent, on les aime forcément. C'est très rare que j'ai vraiment aucune sympathie pour quelqu'un. Très, très rare. Il faut qu'il y ait une chose, alors qui m'est heurtée objectivement, enfin, avec agressivité. Mais sinon, je trouve toujours... très souvent, mon mari me dit, je comprends pas pourquoi tu vois telle personne qui n'a aucun intérêt. Et je trouve que c'est très rare que les gens sont sans intérêt. Et c'est vrai pour les gens, mais c'est vrai aussi pour les choses. J'aime la peinture, beaucoup. J'aime aller dans des expositions, j'aime beaucoup lire et beaucoup de choses. J'aime beaucoup le cinéma. Je suis très gourmande. Enfin, je crois que j'ai une faculté, une disponibilité pour la vie et surtout pour les gens très grands. Alors je retiens un mot, vous êtes gourmande. C'est très. Un beau mot. Merci, oui. Simone Veil. C'était Radioscopie de Jacques Chancel. Il recevait Simone Veil le 6 mai 1975, une émission remontée par Stéphane Combe. Demain, 23h10, ce sera la radioscopie d'Ingrid Bergman. À suivre, une nouvelle diffusion de Back to Back avec Mélanie Bauer, qui reçoit le journaliste Jean-Yves Leloup, spécialisé dans les musiques électroniques. Vous écoutez France Inter, il est minuit.